je t'aime, je t'aime, je t'aime, qu'elle disait. Et c'était beau comme un poème, ce qu'elle disait. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je m'en valais. Jamais, jamais, jamais, jamais, je n'oublierai. Bien mieux qu'une vie, et que jamais l'on oubliera. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, qu'elle disait. J'aurais dû me méfier quand même. Quand mon secret, aucun dilemme, et je rêvais. Se demande-t-on quand on rêve, est-ce bien vrai? Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, qu'elle disait. C'était beau comme un poème, ce qu'elle disait. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je m'en vais. Jamais, jamais, jamais, jamais, je n'oublie.